Bonjour à tous. Bienvenue au lycée Charlotte Perriand. Vous qui entrez ici, savez-vous qui était celle qui a donné son nom à notre établissement? Découvrez comment Charlotte Perriand, pionnière du design moderne, a transformé ses idées novatrices en œuvres révolutionnaires. Pour plonger dans son incroyable histoire, scannez les QR codes tout au long de ce nom. Épisode 3, l'influence du Japon. Charlotte Perriand, célèbre designer et architecte française, a été profondément marquée par son voyage au Japon, qui constitue un tournant dans sa carrière. En 1940, alors qu'elle est invitée au Japon pour contribuer à la croissance du design moderne, Charlotte Perriand découvre une culture et un artisanat qui correspond à ses propres valeurs. Elle admire la simplicité, l'équilibre et le respect des matériaux dans l'esthétique japonaise. Quand j'ai vu les maisons traditionnelles japonaises normalisées à l'extrême, puisque c'est le module sol qui l'emporte, le tatami, et qu'il n'y a que deux dimensions pour tout le Japon. Et cette modulation, ce tatami, c'est aussi bien pour un paysan que pour la maison de l'empereur. C'est une merveille. Durant son séjour, elle découvre les traditions japonaises, notamment le travail du bois, du bambou et des textiles. Elle mélange cet art avec les techniques modernes européennes, créant des œuvres uniques. Par exemple, elle transforme son œuvre, la chaise longue, de 1928, elle intègre le bambou, supprime l'acier et les matériaux du design moderne. Elle crée ainsi la chaise longue 522 Outdoors de 1941. Cependant, la Seconde Guerre mondiale interrompt son séjour et elle doit quitter le Japon en 1942. Son passage au Japon laisse une trace permanente dans ses œuvres, visible dans des pièces comme ses chaises, ses meubles, ses projets d'architecture où le mélange entre tradition japonaise et modernité européenne se révèle. Le vide est la philosophie zen japonaise et dans le vide seul, le mouvement est possible. La meilleure manière de créer du vide, c'est de concentrer dans des murs de rangement tous les objets dont vous avez besoin. Charlotte Perriand a ainsi joué un rôle important dans le rapprochement entre les arts décoratifs occidentaux et orientaux, montrant que le design peut dépasser les frontières culturelles pour devenir universel. Voici pour l'épisode 3. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir sur la vie de Charlotte Perriand. N'hésitez pas à scanner les deux autres QR codes situés le long du mur.